j'entends des bruits, t'as quand l'album, le petit frère sont impatients. Dès que tu te poses sur une instru, ça part en fornication. Le rap français n'a pas de secret pour moi, et ils le savent tous. Si tu me vois pas trop faire de feat, c'est que je n'aime pas trop les voir tous. Poisson, 2013, je prends le taureau par les cordes, man. Et celui qui l'ouvre, j'allume sa mère, j'ai obtenu le permis de port d'armes. Boss en scred, en équipe réduite, ma brigade rouge. Je ne vois pas trop ce qui pourrait m'arrêter, même pas vos cartouches. Paraît que je suis arrogant et que je me prends pour ce que je ne suis pas. Entre le nombril et le trou du cul du monde, j'ai vite fait le choix. Tu veux apprendre à rapper, tape flow aussi, stress, stress. Mais les meilleurs partent en premier, demande à Elvis Presley. Hell, je me pas fan comme le groupe d'Ivray. Je suis crié comme le nom de ma ville, donc je pourrais pas être discret. Corbeil sonne 91, on a atteint de folie. Tu veux y vivre, achète un pont pour crève-toi des insomnies. Impressionnant sans forcer, pour le game ça va se corser, sans forcer. Impressionnant sans forcer, pour le game ça va se corser, sans forcer. La bouche affiche complet car trop de bitch y crèche. Il reste une place pour la mienne pour colmater les brèches. Tu me diras des bouches open, c'est pas ce qui manque dans ce game. A défaut de bon champagne, ils s'arrosent tous au sphère. 2013, ils croient qu'ils vont jouer sans moi, mais ils sont fous. Ça joue les gangsters en public, mon privé, qu'est-ce qu'ils sont choux. Impressionnant sans forcer, la belle odeur argentée. On s'est fait seul, on copie-pone, c'est pas ce que veut dire sampler. J'écris des textes lourds, souvent sur des prods de cinglés. J'tape la peau, sourcils français quand on me shoot au CND. Ils se prétendent king de ma génération, lol. Mais pour percer, j'baisse pas mon franc, quoi de pénétration d'homme. De toi à moi, qu'on se le dise, faudrait mieux que t'arrêtes tout. J't'entends rapper, la seule chose qui me vient à l'esprit, ça rit tout. J'n'attendrai pas la fin du gong pour te mettre un KO. Ne t'invente pas d'ennemi, on sait que t'en clash avec tes pao. Ils sont fous, ça joue les gangsters en public, mon privé comme ils sont choux. Impressionnant sans forcer. Ciao. Cité de Borbeil, impressionnant sans forcer. 80 au 100, impressionnant sans forcer. K.I.N. B.K.O. impressionnant sans forcer. ISF, impressionnant sans forcer.